Cependant, il avait découvert dans ce cabinet de toilette la miniature de monsieur à longue moustache. Était-ce le même sur lequel on lui avait conté autrefois une vague histoire de suicide? Mais il n'existait aucun moyen d'en savoir davantage. À quoi bon, du reste? Les cœurs des femmes sont comme ces petits meubles à secret, pleins de tiroirs emboîtés les uns dans les autres. On se donne du mal, on se casse les ongles, et on trouve au fond quelques fers desséchés, des brins de poussière, ou le vide. Et puis, il craignait peut-être d'en trop apprendre. Elle lui faisait refuser les invitations où elle ne pouvait se rendre avec lui, le tenait à ses côtés, avait peur de le perdre. Et, malgré cette union, chaque jour plus grande, tout à coup, des abîmes se découvraient entre eux, à propos de choses insignifiantes, l'appréciation d'une personne, d'une œuvre d'art. Elle avait une façon de jouer du piano correcte et dure. Son spiritualisme, Madame d'Ambreuse croyait la transmigration des âmes dans les étoiles, ne l'empêchait pas de tenir sa caisse admirablement. Elle était hautaine avec ses gens. Ses yeux restaient secs devant les haillons des pauvres. Un égoïsme ingénu éclatait dans ses locutions ordinaires. Qu'est-ce que cela me fait? Je serai bien bonne. Est-ce que j'ai besoin? Et mille petites actions inanalysables, odieuses. Elle aurait écouté derrière les portes. Elle devait mentir à son confesseur. Par esprit de domination, elle voulut que Frédéric l'accompagnât le dimanche à l'église. Il obéit et porta le livre. La perte de son héritage l'avait considérablement changé. Ces marques d'un chagrin qu'on attribuait à la mort de M. d'Ambreuse la rendaient intéressante. Et, comme autrefois, elle recevait beaucoup de monde. Depuis l'insuccès électoral de Frédéric, elle ambitionnait pour eux deux une légation en Allemagne. Aussi, la première chose à faire était de se soumettre aux idées régnantes.